Tes lèvres frôlent mes silences. Chaque souffle devient jouissance. Je tremble encore sous ton regard. Chaque mot chuchote et m'égare. Ride a skill, mon lies dans sa voix. Sa chaleur grève m'entoure et me noie. Nos deux souffles glissent sur la peau. Chaque vibrato devient flambeau. Feel the rhythm, taste the flame. Whisper softly, call my name. In the dark we collide. Ride a skill right by my side. Born of passion, carved in sound. Written in truth, unbound. Un voyage dans mes pensées. Chaque frisson vient m'enchaîner. Ta voix m'effleure comme un frisson. Chaque note sculpte ma prison. Ride a skill grave son. S'approche, nos lèvres s'effleurent, chaque mot franchit nos peurs. Je sens ta force, ton souffle chaud, chaque note grave est d'un nouveau tempo. Ride a skill m'attire, je succombe. Sa voix rock traverse les ondes, nos murmures glissent dans les terres, chaque désir est éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Chaque vibration devient sève. Sous les néons, la fièvre éclate. Rider's skill règne, brutal et fatal. Feel the rhythm, taste the flame. Whisper softly. Sous ton souffle, je me perds encore. Chaque frisson m'appelle plus fort. Ride a skill brûle dans mes veines. Un chant charnel, une douce chaîne. Ride a skill.